Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un auteur qu'il me tenait à cœur d'inviter, tout d'abord pour l'originalité de son écriture, mais aussi et surtout parce que je pense qu'il gagne à être connu. Bonjour Francis Thierry Boulanger. Bonjour Sarah. Comment allez-vous ? Mais très bien. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir ici. Ok, donc on va faire l'émission donc sur un schéma habituel. Il y aura 5 questions pour vous. Donc l'émission vous est totalement consacrée. On va pouvoir parler de votre parcours, votre personnalité, votre envie d'écrire. Et puis ces petites questions seront entrecoupées de musique que vous avez choisie, que vous allez nous faire découvrir. Entendu. Et puis en fin d'émission, donc on parlera du caprice de la semaine. Donc vous nous présenterez un livre coup de cœur et pourquoi vous l'avez aimé. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, on y va. Première question. Alors, Francis, alors est-ce qu'on dit Francis Thierry ou Thierry ou Olivier ? Alors, généralement Thierry. Thierry, alors on y va pour Thierry. Alors Thierry, vous avez à votre actif déjà 2 romans qui sont plutôt très différents. Le premier qui s'appelle La Lumière sur l'étrange vieille femme moche. Alors un titre, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Et puis un deuxième livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Les ogres sont en ville. Alors, comment vient le goût de l'écriture quand on est un ingénieur informatique comme vous ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Mais en fait, peut-être que quand on est ingénieur en informatique, on écrit beaucoup de choses, beaucoup de textes. Ouais. Mais ce texte est limité à des expressions algorithmiques. Oui. Et qu'il y a une sorte de frustration à taper tous les jours du texte. Et on se dit qu'on a des histoires en tête et qu'on pourrait aussi les taper, ces histoires. Et vous aviez des choses à partager ? J'avais des choses à partager. Des histoires dans la tête ? J'ai pas mal d'histoires dans la tête. Ouais. Parce qu'en fait, les deux romans sont vraiment extrêmement différents. Moi, j'ai eu un très, très gros coup de cœur pour le premier, La lumière sur l'étrange vieille femme moche. Mais où est-ce que vous allez chercher ce personnage, en fait, qui est quand même très atypique ? Alors, ce personnage, il existe un peu vraiment, en fait. C'est une connaissance qui collectionnait les bons d'achat. D'accord. Et c'est parti de là. J'avais trouvé ça rigolo. Déjà de collectionner bons d'achat, je trouve ça, ça drôle. J'avais envie d'écrire quelque chose de drôle, de court. Parce que c'est assez incisif en plus. Oui, tout à fait. Hein, presque caustique, moi je trouve. Oui, merci. Ouais. Si, moi j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième question. Vous êtes né dans la capitale de Madagascar, si mes informations sont bonnes. Si vos informations sont exactes. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé ? Et si oui, est-ce que ces voyages, parce que là, on va parler du coup du deuxième livre, L'enquête de Charlie Delton, qui lui quand même voyage beaucoup, on est quand même sur personnage qui n'a rien à voir. Est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que vos racines sont vraiment à Madagascar ? Vous avez voyagé ou c'est plutôt un personnage imaginaire un petit peu, je dirais un James Bond un peu amélioré, qui a un parcours assez original aussi. Ça se passe comment ? C'est-à-dire pour avoir 2 romans comme ça aussi différents. Alors, le premier, c'était vraiment une sorte de pastiche. J'avais envie de rire, j'avais envie de faire rire. Okay. Donc, ce sont les personnages très proches de moi. Le second, Les ogres sont en ville, qui se passe en Angleterre. Ouais. Là, j'ai effectivement une affection pour ce pays. Ok. Et en ce qui concerne mes talents de voyageur, non, je ne suis pas un grand voyageur. Je voyage dans l'Europe proche. Ok. Mais le fait est que j'ai une sœur, elle, qui voyage pas mal et qui habite en Angleterre. Donc, ceci explique cela, voilà, du coup. Ok. pour la rejoindre, donc je vais aller en Angleterre cette année. Enfin. Enfin. On peut enfin voyager. Et donc, c'est pour ça que, peut-être pour ça que j'ai choisi comme lieu pour mon histoire, l'Angleterre. Ok. Et le Devon, particulièrement. Ouais. C'est très prégnant, d'ailleurs, dans le roman. Oui, oui, j'ai essayé vraiment d'y mettre une touche britannique. Alors, c'est pas évident. Ouais. Mais par la musique, par les références, par le nom du personnage aussi, le nom du personnage, oui. Et effectivement, le voyage, c'est important pour moi dans l'écriture. Parce que, comme je me déplace pas tant que ça, écrire, ça m'oblige à trouver des endroits. Alors aujourd'hui, avec Internet, on peut géolocaliser. Oui. Se donner l'impression d'être à Canberra ou... C'est vrai qu'avec Internet, on choisit un lieu, on fait image ou maps et tout de suite, ça. On a tous les environs. Quoi. Ouais, on voyage assis dans son fauteuil, quelque part, aussi. Un peu le voyage du feignant. Mais je vais quand même faire l'effort un jour d'aller sur tous les lieux qui ont été évoqués dans mon écriture. C'est un souhait que... Bon, c'est un beau projet. Ben oui. Ouais, c'est chouette. On va faire une petite coupure musicale tout de suite et on revient juste après. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper way than this swelling in the world. There is a deeper way than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than this rising in the world. There is no deeper way than this. Listen to me, girl. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love. Every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break, break. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en compagnie de Thierry Boulanger, qui nous fait part un petit peu de ses envies et de sa façon d'écrire. On va passer à la troisième question, Thierry, si vous êtes d'accord. Allons-y. Donc la troisième question va porter sur votre premier roman, dont je rappelle le titre, La lumière sur l'étrange vieille femme moche. Alors moi, j'ai adoré ce livre parce qu'il est décapant, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, il est caustique, un humour complètement décalé, et on en parlait un peu hors antenne. Moi, ça me fait beaucoup penser au livre de Patrick Suskind, Le Pigeon, Alors, Susskind était surtout connu pour son livre Le Parfum, parce que je trouve que ce personnage-là, quand il voit le pigeon dans le couloir à l'entrée de chez lui, il est complètement focus sur ce pigeon, il ne peut plus rien faire. Et ça me fait penser un peu au personnage principal de votre roman, qui lui, il est vraiment bloqué dans son système, le monde peut s'écrouler autour, il a ces tickets de réduction qu'il veut absolument faire passer en caisse. Ouais, alors, est-ce que vous avez été inspiré de ce personnage ou est-ce que, tout à l'heure, vous le disiez un peu, c'est inspiré d'une connaissance, vous vouliez surtout peut-être décrire un profil un peu comme ça, un peu psychologique, un peu fermé comme ça? Alors, le pigeon, j'ai lu il y a longtemps, ça m'a bien plu. Tout ce qui écrit Susskind me plaît. Et effectivement, il y a quelque chose de l'enfermement. Mais ce qui m'a inspiré, moi, et ce que je voulais dans ce livre raconter, c'était la rédemption, en fait. Okay. C'est comment quelqu'un se retrouve à terre et petit à petit se relève sur un genou et puis après finit en fait par reprendre les pas. Comment et il trouve la force de relever la tête ? Comment il trouve la force ? Parce que ce personnage, il est enfermé, mais il y a une raison. Il n'est pas enfermé. Pas exactement comme s'il avait vu quelque chose qui lui déplaisait ou qui le choquait, mais parce qu'il a vécu quelque chose de... Parce qu'on s'en doute pas du tout au début du livre. On s'en doute pas du tout que c'est lié à un événement très, très marquant pour lui. Et on a l'impression que, on va dire sur le premier tiers du livre, en fait, on va parler de lui que comme ça. Et on attend la suite de l'aventure. Effectivement, il y a une cassure dans le livre. Donc, vous parlez de rédemption, on pourrait aussi parler de résilience, pourquoi pas, parce qu'il faut vraiment prendre sur soi. Tout à fait. Pour pouvoir se relever et faire abstraction de, ou de tout ce qui a fait mal et de tout ce qui a fait souffrir. Absolument. Donc, vous brossez un profil psychologique un peu... on commence par, on va dire, les conséquences pour arriver aux origines, quelque part. C'est exactement ça. C'est ça. Oui. Bon, ouf, je ne suis pas trompée. Et voilà, alors il est court et le côté incisif, parce que vous auriez pu décrire ça au début comme quelque chose de, vous voyez, de triste ou de... Mais là, en fait, votre humour est tellement décalé et cinglant qu'on ne peut que rigoler, en fait. Ah oui. Enfin voilà, moi j'ai passé un excellent moment, je pense que tout le monde l'a compris. Dire ça à mes collègues. Okay, écoute, moi je me suis vraiment bien marrée. Alors, quatrième question, Thierry, si vous voulez bien. Comment vous trouvez l'inspiration? Alors, est-ce que, parce qu'on a des noms d'écrivains célèbres qui ont toujours un petit carnet de notes sur eux. Est-ce que vous vous inspirez d'anecdotes autour de vous, sur votre lieu de travail, à la maison? Parce que aussi, des fois, à la maison, ça pourrait découler un roman, pourquoi pas. Il y a pas mal d'auteurs qui font ça. Ou est-ce que vous avez déjà pas mal de matière et puis vous avez envie de l'exprimer? Ça se passe comment pour vous? Alors, comment ça se passe? Je pars d'une idée de base. Ok. Donc, pour le policier, c'était l'idée de raconter donc une histoire de police. Du coup, police, ça m'amène à faire une recherche sur l'étymologie de police. Ouais. Et police, c'est à l'origine, ça vient du grec, la cité, celui qui administre la cité. Mm-hmm. Donc, dans la police, on parle surtout de la ville, parce que c'est la ville qu'on va organiser. Et du coup, j'ai voulu faire le contre-pied et parler de la campagne. Ok. Je me suis dit, je pars de la police, la ville, et en fait, je vais parler de la campagne. Et en voulant parler de la campagne et de policiers, je me suis aperçu qu'il y avait une criminalité rurale, ouais, dont on ne parle pas beaucoup, et qui se développe, parce que les centres-villes, les grandes villes, mais en fait, il y a pas, elles débordent, les gangs débordent, il n'y a plus assez de place pour tout le monde, et puis la guerre des gangs fait rage. Du coup, de plus en plus, la criminalité vient s'installer dans les campagnes. Okay. On voit ça malheureusement ici, dans l'Est de la France, oui, mais a priori, ça a l'air particulièrement important en Angleterre. Et en faisant toutes ces recherches, je suis parti de là. Donc vous faites quand même un travail de recherche? Ah oui, oui, oui. C'est peut-être une des choses qui me plaît le plus, c'est que en écrivant, on apprend, en fait. Okay. on peut pas se permettre de raconter que des histoires. Il faut que ces histoires se raccrochent à la réalité. Et puis qu'il y ait des choses concrètes. Tout à fait. Dedans et juste. C'est marrant parce que vous le dites comme des. Moi, j'ai reçu pas mal d'auteurs ici, comme Sophie Loubière, comme Isabelle Flatten, Éric Marchal il y a peu. Et ils ont la même démarche que vous. C'est-à-dire que cette question-là revient quand même souvent. Et voilà, il y a toujours un gros travail de recherche. Ah oui. L'idée de base, le gros travail. Après, on fait le tri et après, on commence à écrire. Alors, justement, je voulais en finir par là pour cette quatrième question. Quand vous commencez à écrire, donc vous avez votre idée, hein, c'est ce que vous expliquez. Oui. Est-ce qu'au fil du temps, vous déviez ? Est-ce que les personnages finissent par prendre vie eux-mêmes et puis du coup, ben, vous vous laissez emmener ? Ou est-ce que vous gardez vraiment votre ligne directrice d'écriture quelque part ? Eh bien, en fait, je dévie, oui, beaucoup. Je dévie beaucoup. Vous vous laissez emmener par le. Je me laisse emmener. J'ai réduit des familles. mes héros se sont vus amputés de frères et de sœurs, parfois l'inverse. Parfois, ils ont eu des frères, des sœurs, des parents cachés. Au fur et à mesure de l'écriture, je change. Et des fois, je suis inspiré par des titres de chansons. Okay. Par exemple, le personnage de Julie, ça vient du titre « Julie's Working for the Drug Squad ». Ok. C'est une chanson des Clash. Où ça raconte l'histoire de l'officier Julie, qui était une des premières à avoir monté une grande opération de drogue dans les années 60. Okay. C'est vraiment un truc énorme où ils se sont planqués, où ils ont mis des micros pour planquer les micros, ils ont escaladé des filins. Oui, donc je confirme, c'est super documenté. Je confirme. Tout à fait. Mais c'est bien, c'est chouette, c'est passionnant. On va faire une deuxième coupure musicale. Et puis, on va revenir juste après pour la dernière question. Entendu. Prise de lecture sur Fadjet. De retour avec Thierry Boulanger, qui est soumis à l'interrogatoire très musclé concernant ces deux romans. Et nous allons terminer cet interrogatoire par la dernière question. Thierry, est-ce que vous avez un livre en cours de création ou production ou édition ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des mois ou des années qui viennent dans votre parcours d'écrivain ? Eh bien oui, je vais tout avouer. Ah. Enfin. Oui, il est prévu que j'écrive et je suis pour le moment dans un travail de recherche. La suite des Ogres sont en ville. D'accord. Et je sais que l'action se déroulera chez nos amis suisses. Ok. Donc une nouvelle fois, notre personnage, Charlie Dalton, va voyager. Ok. Et j'ai quelques idées qui me viennent. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie ou quelque chose comme ça. Vous êtes en pleine production littéraire. Pleine production. Ok. Peut-être qu'entre-temps, j'écrirai des petites nouvelles, des petites choses. Ok. Ça. Non, pour le moment, je vais me consacrer à la suite des Ogres sont en ville. Okay. Et sinon, j'ai toujours sous le manteau un travail que je fais avec ma fille. D'accord. Et c'est un roman illustré qui s'appelle L'histoire de Petite Fraise. Petite Fraise, oh, voilà. C'est mignon. Donc il y a, pareil, c'est une histoire courte, mais avec un dénouement qui en surprendra plus d'un. Ok, donc c'est pas un livre jeunesse ? Si, c'est un livre jeunesse. C'est un livre jeunesse, parce que Petite Fraise, ça fait penser à jeunesse, vous voyez, oui. En titre. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Ok, donc c'est un livre jeunesse. Un livre jeunesse. Ok, donc plein de projets ? Tout plein. Super, est-ce que vous allez faire quelques salons, ou est-ce que... Alors peut-être, si tout se passe bien, que je ferai en septembre le salon de Saint-Max. Super. Et sinon, en décembre, oui. un petit salon de Noël, okay. qui a lieu au Club Arlequin. C'est un centre aéré du côté de Vendèvre, à côté du parc du Chamois. D'accord. Alors tout ça à noter. Salon du livre de Saint-Max en septembre et à Arlequin, c'est ça ? Au Club Arlequin. Au Club Arlequin, qui sera à Vendèvre en décembre. De toute façon, je remettrai tout ça sur le site capricesdelecture.fr. Ah, bah c'est gentil. Vous puissiez avoir un peu de monde. On va faire une dernière coupure musicale avant que vous nous présentiez, Thierry, votre caprice de la semaine. Entendez. À tout de suite. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said my case on my room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Just climb the wall. If you called your Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette dernière partie d'émission. Déjà, toujours avec Thierry Boulanger, qui va nous parler du caprice de la semaine. Alors Thierry, c'est qui, c'est quoi et pourquoi ça a été un de vos caprices de lecture? Alors, c'est qui? C'est Michael Connelly. Ok, qu'on ne présente plus. Et pour son roman Créance de sang. Ok. Donc, qui a été adapté il n'y a pas longtemps par Clint Eastwood ou pour Clint Eastwood. Je crois les deux. Les deux. Je possible. Crois les deux. Pareil pour. Et comment je suis tombé sur Créance de sang? Eh bien, en fait, très simplement, j'ai ouvert une cabine téléphonique et à l'intérieur, il y avait des livres. C'était une boîte à livres. C'est génial. Et donc, je suis tombé dessus et puis ça m'a tout de suite plu, en fait. Ok. Parce qu'il n'y a pas de chichi avec cette histoire. Bon, Créance de sang, presque tout est dans le titre. Dans le titre. On a un vieux flic qui veut raccrocher. C'est Harry Bosch, je crois, non? C'est lui ou pas? C'est pas Harry Bosch. C'est pas non, lui. Non, ah, non. Je confonds avec autre chose. C'est, je crois qu'il s'appelle McCaleb. Ouais, ok. Et il veut raccrocher et il veut tranquillement aller faire du bateau. C'est ça qui lui plaît. Mm-hmm. Et quelqu'un vient lui demander de faire une enquête sur le meurtre de sa sœur. Une femme vient demander ça. Et évidemment, tout ce qu'il veut, c'est refuser. Mais il va accepter. voilà. Pour une raison, pour la simple et bonne raison qu'il porte le cœur de cette dame. Il a été transplanté. Ok. Voilà. Donc ça démarre comme ça, donc ça démarre bien. Ah, ça démarre bien. Voilà, ah, donc oui. Ça me plaît bien pour le moment. Ok. Et pourquoi ça vous a plu, justement, pour ce côté, on va dire, sans chichi de l'écriture, l'intrigue en elle-même, voilà. Déjà, effectivement, bon, pour l'auteur Michael Connelly, parce que ça me paraît être gagné d'avance. Ouais. Et ensuite, oui, pour la rapidité de l'histoire, du dénouement, c'est quand on sait dès le départ que ça commence comme ça et que le livre est assez épais, on sait qu'on va être choqué. On va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer. Oui, tout à fait. Ok. Merci beaucoup Thierry de nous avoir fait partager ce caprice. Encore merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de vos deux livres, dont je rappelle le titre. Le premier, La lumière sur l'étrange vieille femme moche. Et le deuxième, Les ogres sont en ville. Je vous souhaite de très belles lectures. Vous pourrez retrouver les chroniques de ces deux romans sur capricedelecture.fr. À très bientôt. À merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir.